Chapitre 8e. La sensibilité de Madame de Maintenon, dont elle parle dans l'entretien que nous venons de citer, était très vive. Elle s'affectait profondément de toutes choses, des malheurs publics, des mauvais succès, de l'embarras des affaires, et principalement des peines et des contrariétés du roi, dont la satisfaction et le repos passaient pour elle avant tout. « C'est bien de l'honneur, madame, » écrivait-elle à Madame des Ursins, « que d'approcher des grands, surtout pour ceux qui en étaient naturellement éloignés. Mais en vérité, cet honneur s'achète bien cher quand on y met son cœur et qu'on partage par conséquent tout ce qui leur arrive. » Bien des personnes se représentent Madame de Maintenon sous un autre jour, d'après l'idée qu'elles se font, soit de l'ambition patiente par laquelle elle se serait élevée à ce comble de fortune, soit de l'espèce de domination qu'elle exerça sur le plus fier des monarques. Mais en examinant les choses de près, on voit que les circonstances ont beaucoup plus fait pour elle qu'elle-même. Elle n'a eu pour ainsi dire qu'à marcher devant elle, dans son caractère, dans sa sagesse, dans sa distinction naturelle, dans son amour de la bonne réputation et de la considération publique, et les événements se sont arrangés d'eux-mêmes par un concours extraordinaire. Nous avons vu comment elle s'en expliquait dans l'entretien que nous avons cité à la fin du chapitre précédent. Dans un autre entretien de ce genre, elle est encore plus explicite. « J'ai fait une étonnante fortune, » dit-elle, « mais ce n'est pas mon ouvrage. Je suis où vous me voyez, sans y avoir tendu, sans l'avoir désiré, sans l'avoir espéré, sans l'avoir prévu. Je ne le dis qu'à vous, car le monde ne le croirait pas. Je sus ce qu'il en pensait dès le commencement de mon élévation. » Un jour, le maréchal de Créqui prit à part l'abbé Testu et lui dit « Or ça, monsieur, parlons de cette fortune-là. Il faut que cette femme ait bien de l'esprit pour avoir imaginé au coin de son feu un projet si brillant et si bien conduit. L'abbé Testu m'avait connu dans tous les temps et savait que j'étais fort éloigné de former le projet. Je ne dis pas d'être où je suis, mais un simple projet de fortune. Il savait que je suis et incapable d'intrigue et très borné dans mes vues. Il voulait donc lui persuader que ce n'était pas moi qui avais conduit ma fortune, que si je m'en étais mêlé, elle n'aurait pas marché si bien, que je n'avais fait que m'abandonner aux événements et à la Providence. Il lui en détaillait les preuves en lui montrant les progrès. Mais le maréchal prenait pour une profonde habileté ce que l'abbé lui montrait d'être une imprudence si j'en avais eu un projet. Il admirait ma magnanimité, la profondeur de mes desseins, l'adresse avec laquelle j'avais abusé tous mes amis. « Oh non, assurément, je ne me suis pas mise où je suis. » Je ne l'aurais pu ni voulu. Mais voilà comme les hommes jugent. Il en est de même de l'influence qu'elle eut sur les affaires. Cette influence fut beaucoup moindre qu'on ne l'a dit. La prétention de gouverner le roi et l'État ne s'accordait ni avec la nature de son caractère, ni avec les goûts de son esprit. L'opinion contraire est venue surtout du duc de Saint-Simon, copiée depuis par tous ceux qui ont écrit sur cette époque. Obéissant à sa haine passionnée, il la dépeint comme une ambitieuse insatiable et dissimulée, voulant tout envahir. À cette accusation, on peut opposer les lettres de Madame de Maintenon, qui embrassent tout le cours de sa vie, et où il n'est pas possible que son véritable caractère ne se dévoile pas. Elles répondent à ses attaques et donnent l'idée d'une personne tout opposée à celle que Saint-Simon nous décrit. Sa correspondance avec la princesse des Ursins, en particulier, est remarquable sous ce rapport. Cette correspondance, au moyen de laquelle on a cru longtemps que ces deux femmes ambitieuses étaient convenues de s'entendre pour gouverner à leur fantaisie les deux royaumes, est aujourd'hui dans les mains de tout le monde. On peut y voir, au contraire, le peu d'empressement que mettait Madame de Maintenon à se mêler du gouvernement, son application à se tenir en arrière, la crainte d'avoir un avis, ses refus souvent répétés de faire les commissions dont la chargeait Madame des Ursins, redoutant, pour ainsi dire, d'apprendre la vérité, de peur d'être obligée de la dire au roi. « Je n'oserais montrer votre lettre, » écrivait-elle à cette princesse le 25 novembre 1709. « On n'aime pas ici que les dames parlent d'affaires, et si je ne puis vous servir autant que je le voudrais, il faut au moins se borner à ne pas vous rendre de mauvais office. » »« De quelque façon que les choses tournent, » lui écrit-elle une autre fois, « je vous conjure, madame, de me regarder comme une personne incapable d'affaires, qui en a entendu parler trop tard pour y être habile, et qui l'est encore plus qu'elle ne les ignore. » Et ailleurs, on ne veut pas que je m'en mêle, et je ne veux pas m'en mêler. On ne se cache point de moi, mais je ne sais rien de suite, et je suis très souvent mal averti. » Nous ne voulons pas prétendre que son influence sur les affaires fût tout à fait nulle, loin de là. Seulement, cette influence, comme nous l'avons dit, n'a pas eu l'importance que l'on s'est imaginée. Elle eut sans doute sur le roi cet ascendant inévitable d'une personne justement estimée, qui est toujours là et à laquelle on ne cache rien. Son avis avait du poids, sa protection était puissante, quoiqu'on la crût plus puissante encore qu'elle n'était. Devenue l'épouse de Louis XIV, elle fut admise dans les secrets de l'État. Le roi travaillait chez elle avec ses ministres. Les plus grandes affaires étaient discutées et se décidaient en sa présence. Pendant ce travail, elle se tenait ordinairement à l'écart, occupée à lire ou à écrire, ou bien elle travaillait à un métier de tapisserie, ne disant son mot que rarement et toujours avec de grandes mesures. Il arrivait parfois, quand la matière était embarrassante ou que le roi n'était pas d'accord avec ses ministres, il disait, en se retournant vers Madame de Maintenon, « Consultons la raison. » Puis, il lui demandait son avis en ces termes, « Qu'en pense votre solidité ?» C'est le titre qu'il avait imaginé de lui donner pour rendre hommage à la sûreté de son jugement et à la fermeté inébranlable de son esprit. Mais il y a loin de là à tout diriger, à faire et à défaire les ministres, à choisir les généraux, et à ne pousser que ses protégés, au grand détriment de l'État, comme on l'en a plusieurs fois accusé. Madame de Maintenon n'eut sur les affaires qu'une influence très générale, et cette influence fut habituellement salutaire. Elle ne donna au roi que des conseils de sagesse et de modération. Elle ne chercha à lui inspirer que l'amour de la paix, le sentiment de la justice, le bien de l'humanité, le soulagement des peuples, la diminution du faste et des dépenses. Malheureusement, plus d'une fois, les bons conseils qu'elle donna ne furent point suivis. « Je n'ai pas plu dans une conversation sur les bâtiments, » écrit-elle au cardinal de Noailles, « et ma douleur est d'avoir fâché sans fruit. » On fait encore ici un corps de logis de 100 000 livres. Marly sera bientôt au second Versailles. Il n'y a qu'à prier et souffrir. » Elle n'eut d'action un peu directe que sur le choix des charges de cour, principalement pour les maisons des princesses, que le roi réglait habituellement avec elle. Elle en eut encore sur quelques nominations dans le clergé et sur plusieurs affaires de religion auxquelles son zèle et sa piété lui firent prendre un intérêt plus vif. « Ne jugeriez-vous point à propos, monseigneur, écrivait-elle au cardinal de Noailles, de faire une liste des bons évêques. Vous me l'enverriez, afin que dans les occasions qui se présentent tous les jours, je soutienne plus ou moins leurs intérêts, et qu'on leur envoie les affaires dont ils doivent se mêler et auxquelles ils sont propres. On m'adresse toujours la parole quand il est question d'eux. Mieux instruite, je serai plus hardie. » Pour peu d'ailleurs qu'on connaisse le cœur humain, on sait que plus un homme croit de la supériorité à une femme, plus cette supériorité lui porte ombrage, et plus il met de soin à n'en être pas dominé. Louis XIV, tout en appréciant l'esprit brillant et cultivé qui le charmait dans Madame de Maintenon, tenait beaucoup à ne pas lui laisser prendre le dessus sur son bon sens pratique. Il eût peut-être cédé plus facilement à une femme qu'il eût reconnue médiocre. Madame de Maintenon, d'ailleurs, ne souhaita jamais de le gouverner. Son âme était trop élevée pour se prêter au manège qu'il lui eût conduite, et à cette combinaison par laquelle, comme Saint-Simon le suppose, tout aurait été toujours convenu d'avance entre elle et le ministre, de telle sorte qu'elle eût disposé de tout tandis que le roi n'aurait disposé de rien et que par hasard. Au lieu d'être dominante auprès du roi, elle était plutôt timide avec lui, n'agissant qu'avec réserve et une grande circonspection. Il s'en fallait tellement qu'elle chercha à exercer une grande influence sur le gouvernement, que Fénelon, dans une longue lettre qu'il lui écrivit, à sa demande, sur les défauts qu'il avait pu remarquer en elle, lui reproche au contraire de se trop peu mêler des affaires. Il l'engage à n'être pas si timide, et sans s'ingérer dans les affaires d'État, à s'en instruire davantage. Et quand les ouvertures de la Providence, dit-il, lui offriront de quoi faire le bien, sans pousser le roi au-delà des bornes, à ne jamais reculer, mais suivre le courant des affaires générales, pour tempérer ce qui est excessif et redresser ce qui en a besoin. On peut dire de Madame de Maintenon que personne n'a été plus méconnu qu'elle. Nulle carrière, il est vrai, n'a prêté davantage aux faux jugements. Les ennemis que lui fit la faveur, les mécontents de toutes les sortes, les mensonges des libelles, les malheurs de la fin du règne, la réaction antireligieuse du siècle suivant, tout jusqu'à l'inexacte publication de ses lettres, dans les éditions publiées par Labomel, a trompé sur le caractère de celle qui les a écrites, tout a contribué à la calomnier dans l'opinion, erreur difficile à détruire, car quand une fois certains personnages se sont dessinés d'une certaine façon dans l'imagination des peuples, ils restent gravés pour longtemps. Pour bien connaître Madame de Maintenon, il faut étudier l'ensemble de sa vie, car l'âme n'a point de secret qu'à la fin la conduite ne révèle. Il faut l'étudier surtout dans le recueil de ses lettres. On y verra un caractère qui ne s'est jamais démenti, un esprit droit et ferme, une vertu qui reste à la même parmi les écueils les plus divers, une véritable sainteté de vie sur le théâtre le plus mondain, une raison forte et élevée sous les dehors les plus aimables, un rare désintéressement et une modestie toujours sincère, une philosophie inspirée par la religion, qui savait estimer tout à sa valeur, sans illusion et sans pédanterie. Et dans ces mêmes lettres, on trouvera un langage et un style qui la place, ainsi que Madame de Sévigné, quoique par des qualités différentes, au nombre des bons écrivains du grand siècle. Dans Madame de Sévigné, tout est action, passion, entraînement. Dans Madame de Maintenon, tout est raison, esprit, réflexion. Madame de Sévigné est une mère qui écrit à sa fille ou à ses amis, sans autre but que de les amuser, et s'abandonnant à l'imagination la plus enjouée et à la sensibilité la plus expansive. Madame de Maintenon est la femme de Louis XIV, qui, par la suite des événements de sa vie et surtout par sa nouvelle position, a contracté des habitudes de réserve et de gravité qui ne lui permettent d'écrire qu'avec précaution sur ce qui l'intéresse le plus. Ce sont ses qualités diverses et ce caractère soutenu qui, plus que la fortune, en font une personne éminente dans ce temps lui-même si éminent. Sa véritable supériorité n'est pas dans la profondeur de vue et dans l'habileté de conduite par lesquelles on croit qu'elle s'est élevée, mais dans cette constante possession d'elle-même qui lui fit également porter toutes les fortunes sans être humiliée par son abaissement ni éblouie par sa grandeur. Il est une dernière accusation dont nous tenons à justifier Madame de Maintenon. C'est celle d'avoir été en quelque sorte l'auteur de la révocation de l'édit de Nantes, par l'esprit qu'elle inspira, dit-on, au roi, dans la vue de s'affermir de plus en plus par la dévotion. Cette accusation fut portée contre elle dès l'origine par les protestants. L'Europe a retenti de leurs plaintes, et encore aujourd'hui, la mémoire de cette femme illustre est l'objet des malédictions des descendants des religionnaires réfugiés. Qu'elle ait désiré, comme la plupart de ses contemporains, de voir tous les Français réunis dans l'exercice d'une même religion, à l'ombre du même sceptre, qu'elle ait ajouté, à l'exemple de Louis XIV, une foi trop facile aux nombreuses conversions que les gouverneurs de province ne cessent d'annoncer, qu'elle ait même approuvé et encouragé une mesure à laquelle on applaudissait de toutes parts, rien n'est plus vraisemblable, mais qu'elle ait inspiré et provoqué cette mesure et ses suites, qu'elle ait regardé comme permis l'emploi de la violence pour arracher des conversions, rien n'est plus contraire à la vérité. Elle a même été la première à blâmer les mesures employées par Louvois. Si elle avait eu les sentiments qu'on lui suppose, on en trouverait des traces dans sa correspondance. Loin de là, on la voit arrêter le zèle inconsidéré de son frère, gouverneur de Cognac en Poitou, où il y avait un grand nombre de réformés. « On m'a porté sur votre compte, mon cher frère, lui écrit-elle, des plaintes qui ne vous font pas honneur. Vous maltraitez les Huguenots, vous en cherchez les moyens, vous en faites naître les occasions. Cela n'est pas d'un homme de qualité. Ayez pitié de gens plus malheureux que coupables. Ils sont dans des erreurs où nous avons été nous-mêmes et d'où la violence ne nous eût jamais tirés. Ne les inquiétez donc point. Il faut attirer les hommes par la douceur et la charité. Jésus-Christ nous en a donné l'exemple. Ni Dieu ni le roi ne vous ont donné charge d'âme, sanctifiez la vôtre et soyez sévère pour vous seul. » Elle écrit à Madame de Saint-Géran le 13 août 1684 « Il ne faut point précipiter les choses, il faut convertir et ne pas persécuter. » Loin qu'elle poussa à la persécution des réformés, il semble au contraire qu'on se défiait plutôt de sa partialité à leur égard, car elle écrit encore à Madame de Saint-Géran « Ravigny, député des protestants auprès du roi, est intraitable. Il a dit au roi que j'étais né calviniste et que je l'avais été jusqu'à mon entrée à la cour. ceci m'engage à prouver des choses tout opposées à mes sentiments. Et en effet, on lit dans le mémorial de Saint-Cyr, au temps dont je parle, le roi crut qu'il ne manquait à sa gloire que l'extirpation d'une hérésie qui avait fait tant de ravages dans son royaume. Les moyens que l'on prit furent un peu rigoureux, auxquels Madame de Maintenon n'eut nulle part, quoique les huguenots se soient imaginé le contraire. Car en désirant de tout son cœur leur réunion à l'église, elle aurait voulu que ce fût plutôt par la voie de la persuasion et de la douceur. Et elle nous a dit que le roi, qui avait beaucoup de zèle, aurait voulu la voir plus animée qu'elle ne lui paraissait, et lui disait à cause de cela, « Je crains, madame, que le ménagement que vous voudriez qu'on eût pour les huguenots ne vienne de quelque reste de prévention pour votre ancienne religion. » Les réformés eux-mêmes lui ont rendu plus d'une fois justice sur ce point. Les historiens des réfugiés français dans le Brandebourg, tout en lui imputant d'avoir participé à la révocation de l'édit de Nantes, ajoutent « Rendons-lui cependant justice. Elle ne conseillait jamais les moyens violents dont on usa. Elle abhorrait les persécutions, et on lui cachait celles qu'on se permettait. Elle voulait que l'on n'employait que la voie de la douceur et de l'instruction. Elle n'exerça son zèle de conversion que dans sa propre famille. Elle profita d'une longue campagne que M. de Villette, son cousin, fit sur mer, pour instruire ses enfants et les faire rentrer dans le sein de l'Église catholique. À son retour, M. de Villette fut fort irrité, mais Mme de Maintenon l'apaisa, et il finit lui-même par abjurer ses erreurs vers la fin de 1685. Le roi l'ayant félicité de sa conversion, M. de Villette lui répondit « Sire, c'est la seule occasion de ma vie où je n'ai point eu pour objet de plaire à votre majesté. » On a aussi reproché à Mme de Maintenon d'avoir facilement abandonné ses amis, entre autres Fénelon et Racine. À l'égard du premier, si la soumission qu'elle devait comme épouse l'obligea à ne plus voir un prélat qui avait encouru la disgrâce du roi, elle n'en prit pas moins une part bien vive à son malheur. « Vous savez, dit-elle dans un de ses entretiens, les peines que j'ai eues pour M. de Cambrai. J'en eus un si grand chagrin que le roi, quoiqu'il m'en eût su d'abord mauvais gré, ne put s'empêcher de me dire, en voyant mon affliction, « Eh bien, madame, il faudra donc que nous vous voyions mourir pour cette affaire-là. » Quant à Racine, elle n'en fut pas moins vivement affectée, mais on peut, dans ces deux affaires, au lieu de l'accuser, reconnaître le peu d'influence qu'elle exerçait quelquefois sur l'esprit du roi. Toutes ces contrariétés, et bien d'autres que nous ne connaissons pas, contribuèrent à rendre plus pénibles les dernières années de son mariage. Le roi vieillissait, et souvent Madame de Maintenon ne savait comment le distraire des chagrins qui l'accablèrent sur la fin de son règne. Cruellement ébranlé dès 1712, il dépérissait peu à peu depuis l'été de 1714. Son premier médecin, Fagon, affaibli lui-même par l'âge, ne s'aperçut pas à temps de la petite fièvre lente qui minait le roi, et ne mit point à profit les ressources qu'offrait encore cette puissante organisation. À partir du 11 août 1715, Louis XIV ne sortit plus du château de Versailles. La fièvre augmenta, le sommeil disparut. Le 25 août, Louis reçut les sacrements avec calme et fermeté. Le 26, il fit ses adieux, en termes attendrissants, aux principaux de la cour. Il recommanda au duc d'Orléans Madame de Maintenon, à qui il adressa les adieux les plus tendres. « Je ne vous ai pas rendue heureuse, lui dit-il, mais tous les sentiments d'estime et d'amitié que vous méritez, je les ai toujours eus pour vous. L'unique chose qui me fâche, c'est de vous quitter. » Mais j'espère vous revoir bientôt dans l'éternité. » Le roi perdit connaissance le 30 août 1715, et Madame de Maintenon, d'après les conseils du maréchal de Villeroy, se retira à Saint-Cyr. Le dimanche 1er septembre 1715, Mademoiselle d'Aumale entra chez elle et lui dit « Madame, toute la maison consternée est à l'église. » Le roi venait d'expirer, Madame de Maintenon s'y rendit aussitôt et elle assista à l'office des morts. Peu de jours après, le duc d'Orléans, régent du royaume, vint lui rendre visite. Elle lui promit de ne plus s'employer qu'à prier Dieu pour le bonheur de la France. Le régent lui continua la pension de 48 000 livres que le feu roi lui faisait sur sa cassette, et il fit insérer dans le brevet que son rare désintéressement lui avait rendu cette pension nécessaire. Madame, mère du régent, vint aussi la voir. La reine d'Angleterre s'y rendit également dans le plus grand deuil. Retirée à Saint-Cyr, Madame de Maintenon fit vendre ses chevaux. Elle renvoya ses domestiques, ne gardant que deux femmes pour la servir. Elle suivit tous les exercices religieux, se contenta de l'ordinaire de la maison et se soumit, comme une simple dame, à l'autorité de la supérieure. Sa pension devint le patrimoine des pauvres. Pierre le Grand, étant venu en 1717 à Paris, rendit visite à Madame de Maintenon. Elle le reçut étant sur son lit. Le tsar ouvrit les rideaux afin de la mieux considérer, et il s'entretint quelque temps avec elle à l'aide de son interprète. Madame de Maintenon mourut au milieu des dames de Saint-Louis le 15 avril 1719 à l'âge de 84 ans. Elle était inhumée à Saint-Cyr dans un caveau que le duc de Noailles a fait construire au milieu du chœur. L'épitaphe qui est sur sa tombe est l'ouvrage de l'abbé de Vertot. Aucun éloge ne fut alors prononcé, et ce ne fut qu'en 1786, à l'occasion de la fête séculaire de la maison de Saint-Cyr, que des hommages publics furent rendus à sa mémoire. Le tombeau de Madame de Maintenon, détruit pendant la Révolution, a été rétabli en 1802 par les soins des chefs du prytanée de Saint-Cyr.